elle est quelque part, je la trouverai. Il n'est jamais trop tard. Oh, comme un diamant noir pour le monde entier, elle sera à part. Mon aller à Punta Cana, mon aller à Casablanca, mon aller à Barcelona, mon aller à ma chérie, si tu savais. Ma vie c'est la bohème, pars avec moi si tu m'aimes. Je dois m'en aller, te dire au revoir mais sans te faire de la peine. Ah, ah, ah, on verra bien où la vie nous mène. Ah, ah, ah, si oui ou non tu seras ma reine. Pourquoi tu es si belle? Pourquoi tu m'en sorcelles avant de me brûler les ailes? Mais dis-moi comment tu t'appelles. Oh, mais pourquoi tu es si belle? Tu m'en sorcelles avant de me brûler les ailes. Oh, moi, dis-moi comment tu t'appelles. Mon aller à Punta Cana, mon aller à Casablanca, mon aller à Barcelona, mon aller à. Je ne sais pas qui tu es, mais les étoiles m'ont mené à toi et je dois mettre des voiles. Je suis désolé, ne m'en veux pas. Je ne suis qu'un homme qui jamais ne se dévoile. Oh, oh, oh, oh, on verra. Avant de me brûler les ailes. Mais dis-moi comment tu t'appelles. Oh, mais pourquoi tu es si belle? Pourquoi tu m'en sorcelles? Avant de me brûler les ailes. Oh, moi, dis-moi comment tu t'appelles. Oh, ma bella, ne m'attends pas. Oh, ma bella, tu as le choix. Oh, oh, ma bella, ne m'attends pas. Oh, ma bella, ne m'en veux pas. Mon aller à Punta Cana, mon aller à Casablanca, mon aller à Barcelona, mon aller à